alikuwa ndani ya kongomano la pagano. Et nous avons construit un grand hangar. Na tukajenga hangar kubwa. Avec des bâches. Pamoja na mabashi. Et lui est son fils aîné. Na yeye na mtoto wake wa kwanza. Et nous avons prêché durant toute une semaine. Walituhubiri wiki moja. Je vois Mungu na interprété. Tu avais interprété le pasteur Vernon. Il se souvient bien. Alors aujourd'hui, na leo, la semence qui était en lui est dans sa fille. Mbegu iliyokuwa ndani yake iko ndani ya binti wake. J'ai hâte de l'écouter. Na nasikia kabisa niko haraka. Vous avec moi, n'est-ce pas? Si pamoja nani. On a hâte de l'écouter. Tunakuwa na uharaka wa kumsikiliza. Alléluia. Amina. Karibu. Alléluia. Merci bien, pasteur. C'est un honneur que d'être ici. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci au pasteur et sa femme et au pasteur Sembe aussi de m'avoir accompagné ici. C'est un honneur d'être ici. Vous avez une belle église. J'aime beaucoup le cœur de votre pasteur, le cœur de la femme de votre pasteur. Vous savez, l'église ressemble à son pasteur. Ça veut dire que vous êtes une bonne église aussi. Le Seigneur a de bonnes choses pour vous. Gloire à Dieu. Vous êtes courageux, vous êtes ici depuis 9h. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous allons commencer avec la parole. Avant de commencer dans le sujet, ça va si je suis le Saint-Esprit, hein? Si je vais suivre le Saint-Esprit, ça vous va? Ok. Regardons dans 1 Timothée au chapitre 2. Ça, c'est une parenthèse. Timothée wa kwanza, sura ki ya pili. Verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes. Ninawasi katika upendo wa Bwana kwa kufanya shukurani kwa watu wote. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Selon cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Comment prier pour tous les hommes? Est-ce qu'on peut prier pour tous les hommes? Non. Apana. Moi, je ne peux pas. Peut-être vous, mais pas moi. Mimi siwezi, lakini wewe, je ne connais pas tous les hommes. Sijui watu wote. Mais il y a une solution. Lakini kuna suluhisho. Verset 1. Mstari wa kwanza. Avant toute chose. Mbele ya kila jambo. Dites avant toute chose. Avant toute chose. Mbele ya kila kitu. Avant toute chose. Mbele ya kila kitu. Premièrement. Ya kwanza. Faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Mufanye maombi ya kusi na ya kuomba kwa ajili ya mahitaji na shukurani. Pour tous les hommes. Kwa ajili ya watu wote. Comment prier pour tous les hommes? Namna gani kuombea watu wote? Et ben voilà verset 2. Mstari wa pili. Pour les rois. Kwa wafalme. Et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Na kwa wote walioinuliwa katika heshima. C'est-à-dire ceux qui sont en autorité. Inamaanisha walio viongozi. L'église de Dieu est responsable pour ce qui se passe dans le pays. Kanisa la Mungu linakuwa na ujukumu kwa ajili ya mambo yanayofanyika katika nchi. Nous sommes responsables pour ce qui se passe dans notre pays. Sisi tunakuwa wenye kuhusika na mambo yanayofanyika ndani ya nchi. Beaucoup de gens disent ah, c'est le gouvernement. Wengi wanasema ni government. Ah, c'est la politique. Ni watu wa siasa. On est en train d'accuser tout. Wanashitaki watu wote. Non, c'est nous. Apana ni sisi. C'est nous. Ni sisi. Dites c'est moi. Sema ni mimi. Moi l'église. Mimi kanisa. Je suis responsable. Mimi ndiye nahusika. De ce qui se passe dans mon pays. Na mambo yote yanopitika katika nchi. Vous m'entendez? Je mnanisikia? Nous, que, c'est pas écrit si tu aimes ton gouvernement, prie pour le gouvernement. C'est écrit prie pour ton gouvernement. Si tu veux que les choses aillent bien dans ton pays, c'est toi qui dois prier pour le président, pour les ministres, pour le parlement, pour tous ceux qui sont en autorité. Qu'est-ce qui est en autorité? C'est la personne qui a une influence sur le peuple. Les policiers, ma police, l'armée, jeshi, les enseignants, walimu, la média, media, les musiciens. Wanamziki, oui, les musiciens, ils ont une influence sur les jeunes. Priez pour ceux qui sont en autorité. Wale walio viongozi. C'est-à-dire pour ceux qui ont une influence sur le peuple. Kwa wale walio na uwezo fulani juu ya taifa. Arrêtez d'accuser. Mwache kuwa na shitaki watu. Mais prenons notre responsabilité. Tuchike jukumu zetu. Ça c'était un plus, un bonus pour le jour de l'indépendance. Hii ilikuwa kwa ajili ya siku ya ukumbusho, ya ukombozi. Nous sommes responsables. Tunakuwa wahusikaji. Vous voulez voir ce pays prospérer? Unahitaji kuona nchi inaendelea? Priez pour les autorités. Muombe viongozi. Et c'est ainsi que le Seigneur, qu'il soit sauvé ou pas, c'est pas grave. C'est pas écrit pour ceux qui sont sauvés. Parce que la position d'autorité est donnée de Dieu. Vous priez pour cette position. La Bible dit dans Romains 13, ce sont les serviteurs de Dieu. Comment est-ce que vous priez pour vos pasteurs? Seigneur, qu'ils aient un esprit de sagesse, de révélation dans ta connaissance. Seigneur, je te demande de illuminer les yeux de leur cœur. Seigneur, je te demande de leur donner la sagesse. Utilise-les pour ta gloire. Eh bien, c'est comme ça qu'on va prier pour le gouvernement. Alléluia. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Alors ça c'est un de mes sujets favoris, mais ça c'était une parenthèse, ok? Nous sommes responsables. Amen. Amen. Et maintenant, on va au sujet. C'est pas grave, hein? C'est bon? Ok, merci pour dire que c'est bon. Ok, Ephésiens chapitre 1. Alors j'ai beaucoup de choses dans mon cœur aujourd'hui. Votre pasteur m'avait demandé de faire une conclusion, clôturer votre conférence. Mais je lui ai dit que je n'étais pas là. Alors il va m'excuser. Mais je connais le titre. Tout ce qu'il fait lui est réussi. Alors je vais conclure avec cela. Et vous allez voir comment ça va tout à fait aller avec ce que vous avez déjà entendu. J'ai les titres ici, mais je n'étais pas ici pour écouter les prédications. Mais on va clôturer avec ceci. Alors le titre de mon message, c'est notre position d'autorité. Nous allons parler de notre position d'autorité. Comment réussir dans cette vie? C'est quand nous savons ce que nous sommes. C'est quand nous savons comment fonctionner dans le royaume de Dieu. Alors nous allons conclure votre conférence avec cela. Verset 15 au chapitre 1 d'Éphésiens. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité dans tous les saints, pour tous les saints. Allez-y, on va faire verset par verset, ça va? Okay. Ou vous voulez que je lis tout en français? Ça va, on fait verset. On lit tout en verset? Verset par verset? Verset par verset. Ah! Ok. Allez, vous allez suivre dans votre Bible. Faites, puisque je n'ai pas autant de temps. Le pasteur Sembe, il a pris long, hein, alors je ne peux pas faire trop long. Mais comme c'est mon grand frère, il est permis. C'est permis. Ok. Verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Ah oui, j'ai oublié. Alors voilà, ça c'est une prière que vous allez souligner. Ça, c'est une prière que vous allez souligner, d'accord? Alors, je vais lire. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, lui qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Père Céleste, nous venons à toi et nous te remercions maintenant pour ta parole. Merci pour cette parole qui est merveilleuse. Oh Seigneur, elle est tellement bonne. Et maintenant, Seigneur, je te demande de nous parler par ton Saint-Esprit, par ta parole. Merci parce que nos oreilles sont ouvertes pour entendre. Et nos cœurs sont ouverts pour recevoir. Change-nous aujourd'hui. Peu importe notre besoin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous devons prier selon la Bible qui nous montre comment prier. Tutaomba kulingana na jinsi Biblia inatuonesha. Nous sommes une nouvelle créature. Tuko viumbe vipya. Nous sommes sous une nouvelle alliance. Tunakuwa katika agano mpya. Et quand nous avons été nés de nouveau, la Bible dit que nous sommes une nouvelle créature. Tulipozaliwa upya, Biblia nasema tumekuwa viumbe vipya. Que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ya kale yamepita yote yamekuwa mapya. Parce que nous sommes en Christ. Sababu tuko ndani ya Kristo. Qu'est-ce qui est devenu nouveau? Nini imekuwa upya? Mon homme spirituel. Nafsi yangu. Parce que quand j'étais née de nouveau, j'avais la même allure. Nilipozaliwa upya, nilikuwa uyu uyu tu. Quand j'étais blonde, je suis encore restée blonde. Zamani, nilikuwa Christian. Quand tu avais les cheveux noirs, tu avais toujours les cheveux noirs une fois que tu étais née de nouveau. Wakati ulizaliwa upya, ulikuwa na nywele nyeusi. Si moi j'étais un peu beige, on m'appelle blanche, mais je suis plutôt beige. Yeye anakuwa na mwili nyekundu. Je suis toujours beige. Anabaki na yoyo mwili. Je suis pas devenue brune. Akukua mweupe. Alors qu'est-ce qui a changé? Nini mebadilika? Eh bien c'est mon homme intérieur. Ni utu wangu wa ndani. Mon esprit. Roho yangu. J'ai été recréé à l'image de Dieu. Nimefanyikwa kwa mfano wa Mungu. Dieu est esprit, il n'est pas une âme. Mimi ni roho, hapana nafsi. Donc je suis esprit comme Dieu est esprit. Mimi ni roho, jinsi Mungu alivyo roho. J'ai une âme, une pensée, des émotions, une intelligence. Nina nafsi, akili, hisia na kazalika. Et j'habite dans cette maison. Ninaishi katika nyumba hii. Est-ce que vous me voyez? Munanitizama? Non, vous ne me voyez pas. Amunioni. Je suis ici dans cette maison. Niko katika nyumba hii. Et là, il y a les fenêtres. Na, kuna madirisha hapa. Moi, je vous regarde. Mimi nawaona. Amen. Amen. Parce qu'une fois, si Jésus ne revient pas, kama Yesu akuji, que je vais avoir un grand âge, nitakoma sana, ma maison va tomber. Nyumba yangu itanguka. Et moi, je vais regarder ma maison. Na mimi nitaona nyumba yangu. Parce que le vrai moi, c'est ici à l'intérieur. Le vrai moi, c'est ici à l'intérieur. C'est pour ça que je dis, vous ne me voyez pas. Amnioni. J'habite dans cette maison. Ninaishi katika nyumba. On a tous des maisons différentes. Na tuna manyumba mbali mbali. Vous avez un toit noir, moi j'ai un toit blond. Muna nywele nyeusi, mimi na nywele nyekundu. En fait, la vraie couleur de mon toit, c'est blanc. Je suis blanche comme mon papa était blanc. Manjanja yangu ni nyekundu, nini muna manjanja nyeusi. Mais enfin voilà. C'est pour dire que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes sous une nouvelle alliance. Et donc nous allons prier les prières qui sont pour nous de prier en tant qu'église. Alors voilà, c'est très intéressant cette prière. Et ça c'est une prière que Paul a priée à l'église d'Éphèse. Alors voilà ce qu'il a prié. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, vous les chrétiens. Si choke kushukuru kwa ajili yenu wa Kristo. Faisant mention de vous dans mes prières. Nikiwa ongelea katika maombi. Alors qu'est-ce qu'il demande? Anaomba nini? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Ilikomba baba wa Bwana wetu Yesu Kristo awape roho ya hekima. Et de révélation dans sa connaissance. Na ya ufunuo katika ujuzi wake. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Na angazie macho ya roho yenu. Alors c'est une prière que vous pouvez prier pour votre pasteur. Vous pouvez prier cela tous les jours pour lui. Pour son épouse. kwa ajili ya mke wake. Mais vous pouvez prier ça aussi pour vous. Na mnaweza kujiombea ninyi vile vile. Vous pouvez mettre votre nom. Waweza kuweka jina lako hapo. Le nom de votre pasteur. Jina la mchungaji. Père Céleste, je te demande de donner au pasteur Stone un esprit de sagesse de révélation dans ta connaissance. Baba mpatie mchungaji Stone roho ya ufunuo na ya ujuzi. Ou alors Seigneur, je te demande de me donner des yeux pour voir. Je te demande d'illuminer les yeux de mon cœur. Alors nous pouvons prier ça. Priez cela tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous voulez réussir dans la vie? Vous avez besoin de révélation. Révélation de quoi? De la parole de Dieu. De l'œuvre de Jésus-Christ. De comprendre. Vous savez, si on n'avait pas les épîtres, et qu'on n'avait que les évangiles, nous ne pourrions pas comprendre ce que Jésus a fait. Parce que nous voyons ce que Jésus a fait dans les évangiles. Tout le monde a yale Yesu amefanya katika maevangile. Mais c'est pas écrit pourquoi? Kwa nini hayandikwe? Alors les épîtres sont là pour nous expliquer. Épîtres zinatufasiria zaidi. Mais je sais pas ce qui vous a pour vous, mais moi, quand je lisais la Bible autrefois, je ne comprenais pas. Nilipokuwa nasoma Biblia mbele nilikuwa sielewi mambo. Et c'est normal, il faut comprendre. Ni kawaida. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre, il faut avoir le pasteur qui explique. Yakubidi kuwa na Roho Mtakatifu na mchungaji anayekufasiria ili kwamba uelewe. Alors priez cette prière. Muombe hivi. Seigneur, donne-moi un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Bwana nipe roho ya hekima na ya ufunuo kwa ajili ya neno lako. Et illumine les yeux de mon cœur. Angazia roho ya moyo wangu. Alors pourquoi? Kwa sababu gani? Merci de me poser la question. Asante kwa kuniuliza hivyo. Alors maintenant, premièrement, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ili kwamba mjue tumaini linaloambatana na mwito wake. Deuxièmement, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et troisièmement, c'est là où on va s'attarder. Verset 19. Et quelle est envers nous? Dites cela, quelle est envers moi? Je dois comprendre quelle est envers moi qui croit. Qu'est-ce que je dois comprendre? L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alors, c'est intéressant. On va voir où je vais aller avec ça. Voilà ce que nous devons comprendre. Ici, ça décrit. Donc, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alors, on va mettre entre parenthèses. Vous l'avez là? Alors, voilà que je voudrais que vous compreniez ici. En grec, moi je ne suis pas théologienne, hein, mais bon, je sais qu'en grec, parce que j'ai appris ça, c'est tout. Hein, ça décrit la puissance de Dieu. Ici, qu'est-ce que ça décrit comme puissance? Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça décrit une puissance pour faire quelque chose. La puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est quatre mots en grec. Puissance, c'est dynamis. Nguvu inamaanisha dynamis. Se manifestant énergie. Inayojionesha, hiyo ni energia. Avec efficacité, kratos. Pamoja na uzuri wote, kratos. Par la vertu de sa force. Iskouos. Pamoja na uzuri wa nguvu yake. Kwa Kigiriki ni iskouos. Ce sont quatre mots qui décrivent une puissance très intéressante. Ni maneno ine inamaanisha nguvu. C'est quoi cette puissance? Ni nini hiyo nguvu? Bien, verset 20, ça explique. Dieu a déployé cette puissance en Christ en le ressuscitant. Na Biblia inasema Mungu aliweka hiyo nguvu ndani ya Kristo wakati amemfufua. Alors là, quand est-ce que Jésus a vaincu l'ennemi? Quand est-ce que Dieu a vaincu l'ennemi? Wakati gani Mungu ameshinda adui? C'était à la résurrection. Ilikuwa kwa wakati wa kufufuka. Parce que quand Jésus était crucifié, l'ennemi pensait que c'était fini. Yesu aliposulubiwa, adui alizani kama imekwisha. Que c'était foutu pour Jésus. Alizani kama imekwisha kwa Yesu. Mais vous voyez, Mnaona? Dieu a utilisé cette puissance qui est décrite avec quatre mots différents en grec. Yesu alitumia hiyo nguvu wanazungumzia na maneno ine tafauti kwa kigriki. Donc c'est important à comprendre cela. Ni vizuri muelewe hiyo. C'est pour ça que nous devons prier que le Seigneur nous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance. Ndio maana tuombe Mungu atupatie roho ya hekima na ya ufunuo kwa ajili ya neno lake. Parce que nous devons apprendre à savoir ce que c'est afin de fonctionner dans cette autorité qui nous appartient. Maana inabidi tujue inamaanisha nini ili kwamba tutembee katika mamlaka iliyo yetu. Quatre mots ont été utilisés pour décrire cette énorme puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Pana maneno ine metumiwa kwa ajili ya kuelewa yale nguvu Mungu ametumia kwa kumfufua Yesu toka wafu. Dynamis, énergion, kratos et ischios. Hizo maneno ine kama jinsi ameyasema. Amen. Amen. C'était une puissance tellement grande, c'était une puissance même plus grande que pour créer l'univers. Ilikuwa nguvu kubwa inayokuwa na uwezo ya kuumba ulimwengu. C'était une puissance que Dieu a réservée. Ni uwezo Mungu ameweka kando. Oui, Dieu a créé l'univers. Mungu ameumba ulimwengu. Toutes les étoiles. Manyota. Tout l'espace. Nafasi yote. Je ne suis pas experte en astronomie. Mimi si kusomea mambo ya mbingu. Mais l'espace, l'univers est incroyablement énorme. Ulimwengu unakuwa kubwa zaidi. Toutes les planètes, ulimwengu mbalimbali. Tout l'univers, toutes les étoiles. Nyota na yote iliyoumbwa. L'espace est énorme. Nafasi ni kubwa. Le soleil est énorme. Jua ni kubwa. Tout ce que Dieu a utilisé pour créer tout cela. Yote ambao Mungu ametumia kwa kuumba yale yote. Mais la puissance de la résurrection était encore plus grande que cela. Nguvu ya ufufuko ilikuwa tena na uwezo zaidi kuliko yale yote. C'est pour cela que nous avons besoin de prier, Seigneur, donne-moi cet esprit de sagesse et de révélation. Ndio maana tunahitaji kuomba Mungu atupatie hiyo roho ya hekima na ya ufunuo. Illumine les yeux de mon cœur. Angazia macho ya roho yangu. Pour que je sache. Ili kwamba nielewi. Quel est envers moi? Ni nini kwa ajili yangu? Ou quel est envers l'église? Ni nini kwa ajili ya kanisa? L'église doit fonctionner dans sa position d'autorité. Yabidi kanisa itembee katika hali ya mamlaka yake. Comment pouvons-nous fonctionner dans notre position d'autorité si nous ne savons pas ce que c'est? Je waweza kutembea katika mamlaka yako kama uelewe ni nini? Nous avons besoin de cette révélation. Tuahitaji ufunuo huo. Donc prier ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tuiombe Mungu kila siku ifuatayo. Nous avons besoin d'être ce géant qui est réveillé. Tunahitaji hiyo ufunuo. Parce que Jésus revient bientôt pour une église glorieuse. Yesu anakuja upesi kwa ajili ya kanisa lililo na nguvu. Une église glorieuse. Kanisa lenye utukufu ni nini? C'est une église qui fonctionne dans sa position d'autorité. Ni kanisa lenye kutembea katika mamlaka yake. Nous devons faire comme Jésus. Tufanye kama Yesu. Nous devons faire comme Dieu. Tufanye kama Mungu. Il dit et cela fut créé. Anasema alisema na ikaumba. La puissance et dans notre bouche. Uwezo ni katika kinywa chetu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Uzima na mauti ni katika ulimi wako. Le problème c'est qu'on a toujours parlé le négatif et on n'a pas parlé les choses dans l'esprit pour que cela se manifeste. Shida ni kwamba tunatamka maneno ya kushindwa na tuokiri mambo ili kwamba yafanyike kiroho. Nous avons besoin de comprendre cette puissance. Tuahitaji kuelewa uwezo. De résurrection. Wa ufufuko. Il l'a déployé en ressuscitant Christ entre les morts. Alitoa hiyo nguvu akimfufua Yesu toka wafu. Et na en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Akamketisha katika mkono wake wa kuume pahali pa mbingu. Qu'est-ce que ça veut dire? Inamaanisha nini? Verset 21. 21. Il l'a fait asseoir dans les lieux célestes au-dessus de toute domination. Alimweka mbingu au-dessus de toute autorité. Juu ya kila uwezo. Au-dessus de toute puissance. Juu ya kila nguvu. De toute dignité. Ya kila heshima. Et de tout nom qui se peut nommer. Na juu ya kila jina. Alléluia. Amen. Non seulement dans le siècle présent, mais aussi aussi dans le siècle à venir. Apana tu kwa karni ya leo lakini kwa karni ifuatalo. Alléluia. Amen. Il a tout mis sous ses pieds. Aliweka yote chini ya miguu yake. Et il a donné. Na akapana. Pour chef suprême. Kama jinsi kiongozi mkuu. À l'église qui est son corps. Kanisa ambalo ni mwili wake. Alors. Maintenant, Matthieu. Tusome Mathayo. Matthieu chapitre 28. Ishirini na mnane. Dites alléluia. Amen. Merci Jésus. Je vous assure, je fais tout pour rester sans crier de joie. Je me contiens. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Kisha Yesu akakuja karibu nao akawaambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Bon, vous allez rayer pouvoir, c'est pas pouvoir, c'est autorité. C'est toute autorité. Kila mamlaka. Toute autorité. Kila mamlaka. L'autorité c'est quoi? C'est le pouvoir délégué. Mamlaka ni uwezo ambao mtu amepewa. L'autorité c'est le pouvoir confié. Mamlaka ni wakati umepewa uwezo fulani. Alors Jésus a dit toute autorité m'a été donnée. Yesu amesema kila mamlaka nimepewa. Pourquoi ça a été donné à Jésus? Kwa nini amepewa mamlaka Yesu? Parce qu'il a été ressuscité. Sababu alifufuka. Au-dessus de toute autorité, de toute domination, de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent et même dans le siècle à venir. Juu ya kila jina, kila mamlaka na kila uwezo ulio katika sasa na kesho. C'est parce qu'il a été ressuscité avec cette puissance énorme. Ni sababu amefufuka upya na hiyo nguvu. Cette autorité lui a été donnée. Hiyo mamlaka amepewa. Il a été assis. A pas seulement ressuscité, mais assis à la droite du Père. Zaidi ya kufufuka, amewekwa pembeni ya Baba. La droite du Père, c'est kuhume, la place d'autorité. Kwa Baba, ni nafasi ya mamulaka. C'est la place d'autorité. Ni kiti cha mamulaka. Mais j'ai une bonne nouvelle. Ni nabari njema kwako. C'est écrit, Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Mamulaka yote Yesu anasema alipewa mbinguni na duniani. Alors maintenant, allez et sasa, faites de toutes les nations les disciples. Enendeni na kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Quoi? Nini? Maintenant je dois aller parce que tout a été donné à Jésus? Yabidi niende maana Yesu amepewa yote. Oui. Ndio. Parce que ici c'est écrit dans Ephésiens 1. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps. Aliweka yote chini ya miguu yake na kapatia hiyo yote kanisa iliyo mwili wake. Alors maintenant, chapitre 2, verset 5. Mbili tano. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous avez été sauvés. Sisi ambao tulikuwa tumekufa, tumepewa uzima kupitia Yesu kwa neema. Il nous a ressuscités ensemble. Alitufufua pamoja. Et nous a fait asseoir ensemble. Alituketisha pamoja. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bali pa mbingu na Yesu. Il nous a ressuscités ensemble. Alitufufua pamoja naye. Cela veut dire quand Jésus était ressuscité, inamanisha, moi j'étais ressuscité. Yesu alipofufuka nami nimefufuka. Quand Jésus a été assis, moi j'étais assis. Wakati Yesu amepewa kiti na mimi nimepewa kiti. C'est pour cela que quand on passe par les eaux du baptême. Ndio maana mtu anapobatizwa. Rappelez-vous de ça. Kumbukeni hii. Mort avec Christ. Nimekufa na Kristo. Et ressuscité avec lui. Na nimefufuka pamoja naye. Mort avec lui. Nimekufa naye. Ressuscité avec lui. Na nimefufuka pamoja naye. Ensemble. Pamoja naye. Nous avons été ressuscités ensemble. Tumefufuka na Kristo pamoja. Quand Jésus est ressuscité, j'étais ressuscité. Yesu alipofufuka nami nimefufuka. Quand Jésus a été assis à la droite du Père, j'étais assis à la Yesu droite alipo du Père. Kwa kuume kwa baba nimewekwa pamoja naye hapo. Où est-ce que tu es assis? Wewe unaketi wapi? À la droite du Père. Kuume kwa baba. Quand est-ce que tu as été ressuscité avec Christ? Wakati gani umefufuka pamoja na Kristo? Quand? Wakati gani? Quand? Ni muda gani umefufuka na Kristo? Le moment que tu as accepté Jésus dans ta vie. Wakati umemkubali Yesu maishani mwako. Le moment que tu étais né de nouveau. Wakati ulipozaliwa upya. Vous voyez? Tizameni. Ça commence à rentrer? Je, unaanza kuelewa pole pole. Alors, quand tu étais né de nouveau, wakati umezaliwa upya, tu étais mort avec Christ, ulikufa pamoja na Kristo, ressuscité avec lui, ukafufuka pamoja naye, mais pas seulement là, hapana tu hapo, tu as été placé à la droite du Père. Na umewekwa kwa kuume kwa Baba. Ah non, mais tu comprends pas, Liliane, tu ne comprends pas, moi je suis encore, je pêche. Aujaelewa bado? Ah, je suis pêcheur. Mimi ninakuwa mwenye kuvua, mvuvi. Mtenda zambi samani. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas juste. Kuna wengi hawajikubali kama wenye haki. Est-ce que tu es sauvé? Ah oui oui, je suis sauvé. Umeokolewa ndio nimeokolewa. Mais comment est-ce que tu peux insulter le sang de Jésus comme cela? Je waweza kuziaki damu ya Yesu hivyo? Est-ce que tu es pécheur ou tu es juste devant Dieu? Wewe ni mwenye zambi ama uko mwenye haki? Est-ce que tu es pécheur ou tu es sauvé? Je uko mwenye zambi ama umeokolewa? Est-ce que tu es pécheur ou tu es ressuscité avec Christ? Uko mwenye zambi ama umefufuka pamoja na Kristo? Alors attendez. Est-ce qu'un chrétien peut encore pécher? Je mu Kristo anaweza tena kufanya zambi? Oui. Ndio. 1 Jean 1:9. Yohana wa kwanza 1:9. Si tu confesses tes péchés en Jésus, à Jésus, kama unakiri zambi zako katika Kristo Mungu, il est fidèle et juste de te les pardonner, de te purifier de toute iniquité. Yeye ni mwaminifu wa kukusamehe na kukuondolea uzalimu wote. Ce passage s'est prévu pour l'église. Hii andiko liko ajili ya kanisa. Notre homme spirituel est parfait. Utu wetu wa ndani ni takatifu. Mais qu'est-ce qui pêche? Nini inafanya zambi? Ici les pensées. Akili. Ça commence avec mawazo, les pensées. Mawazo. Nous devons renouveler notre pensée avec la parole de Dieu. Yatubidi kubadilisha mawazo yetu kwa neno la Mungu. Jacques parle de travailler au salut de notre âme. Yakobo anasema tutumike kwa ajili ya wokovu wa nafsi yetu. Je suis sauvé, je suis créé à l'image de Dieu dans mon homme spirituel. Nimeumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa hali ya Mungu. Mais je dois travailler au salut de mon âme. Lakini yabidi nitumike juu ya wokovu wa nafsi yangu. Ne vous conformez pas au monde présent, mais au contraire soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Usishawishwe na hali ya leo, lakini ubadilike katika fikra zako. Romains 12:2. Wa Roma 12:2. Nous devons travailler au renouvellement de notre âme. Tumika kwa ajili ya kubadilisha nafsi yako. Et puis on peut pas laisser le corps faire ce que le corps veut. Usiache mwili wako kufanya yote ambayo unataka. Bon, ça c'est à votre pasteur de terminer ça. Ni mchungaji wenu ataingia kinaganaga kwa hiyo mambo. Mais enfin, voilà, alors où est-ce qu'on en est maintenant? Tuko wapi kwa sasa? On était où? Tulikuwa wapi? Ressuscité avec Christ. Kufufuka pamoja na Kristo. Nous avons été ressuscités avec lui. Tulifufuka pamoja naye. Cela veut dire que quand j'étais né de nouveau, inamaanisha nilipozaliwa upya, je suis mort avec Christ. Nilikufa na Kristo. Et j'étais ressuscité avec lui. Na nikafufuka pamoja naye. Et j'ai été placé à la droite du Père. Na nilikaa kuume kwa Baba. À la place d'autorité. Nafasi ya mamlaka. Si Jésus est la tête, kama Yesu ni kichwa, son église est le corps. Kanisa ni mwili wake. Qui est le corps de Christ ici? Nani aliye mwili wa Kristo hapa? Tous ceux qui sont sauvés. Wote ambao wameokolewa. Amen. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Wote waliozaliwa mara ya pili. Est-ce que la tête peut être assise sans le corps? Kichwa inaweza kukaa pasipo kiwiliwili? Non, si la tête a été ressuscitée, le corps a été ressuscité. Kama kichwa lifufuka, mwili vile vile lifufuka. Si la tête est assise à la droite du Père, le corps aussi. Kama kichwa iko kuume kwa Baba, yani na mwili nayo iko hapo. Hallelujah. Et nous devons nous voir assis à la droite du Père. Tujione kama wenye kukaa kuume kwa Baba. Nous devons prier cette prière pour avoir cette révélation. Tuombe maombi haya kwa ajili ya kuelewa tena zaidi ufunuo huo. Parce que c'est ensemble que nous sommes en Christ. Maana ni pamoja ndio tunakuwa katika Kristo. Dieu nous a ressuscités ensemble. Mungu ametufufua pamoja. Et nous a fait asseoir ensemble. Na ametuketisha hapo pamoja. Dans les lieux célestes. Pali pambingu. Quand je prie, je ne prie pas ici en bas. Ninapoomba siombe nikikaa kwenye udongo. Mais je me vois assis à la droite du Père. Ninajiona nikikaa kuume kwa Baba. Amen. C'est là que je prie. Ni huko niko nikiombea. Et je regarde en bas. Na ninaangalia chini. Et je m'occupe des affaires en bas. Na ninahusika na mambo ya chini. C'est pour ça que Jésus a dit toute autorité. Ndio maana Yesu alisema mamlaka yote. M'a été donné. Nilipewa. Pour cela aller réussir. Ili kwamba mwende mukafaulu. Réussir quoi? Ufaulu nini? Le plan de Dieu pour ta vie. Mupango wa Mungu kwa maisha yako. Le plan de Dieu pour ton appel. Muradi wa Bwana kwa ajili ya mwito wako. Nous avons chacun un appel à accomplir. Kila mmoja ana mwito, kazi ya kufanya. Mais c'est en connaissant notre autorité. Ni katika kutambua mamlaka yako ndio utafanya. C'est quoi l'autorité que j'avais dit? Mamlaka nayozungumzia ni nini? C'est la puissance déléguée. Ni nguvu tuliyopewa. Alors je vais vous expliquer ça comme ça. Nimewaelewesha hivyo. Est-ce que non, ici on a des policiers, hein? Hapa tunakuwa na mapolisi. Amen. Les policiers. Est-ce que quand le policier met sa main comme ça devant la voiture? Awa watu wa roulage anaponyosha mkono wake mbele ya gari. Est-ce qu'il utilise son autorité ou sa puissance? Anatumia mamlaka ama nguvu? Qui dit puissance? Non, non, anasema... Levez pas la main, levez pas la main. Nguvu. Je veux pas vous embarrasser. Oui, est-ce qu'il a la puissance pour arrêter la voiture physiquement? Huyo roulage ana nguvu ya kusimamisha gari kimwili. Mais d'où vient alors il a l'autorité? Oui. Ana mamlaka. Mais d'où vient cette autorité? Hiyo mamlaka amepewa kutoka wapi? Du gouvernement. Merci. Ni serikali imempa mamlaka. Le gouvernement. Donc il a une tête. Yani ana kichwa. Est-ce que le gouvernement a la puissance? Gouvernement inakuwa na puissance? L'armée, on va dire. OK? Il y a la puissance, il y a les tanks. Il y a les mitraillettes. Donc ça c'est la puissance du gouvernement, OK? Government ina nguvu, nguvu yake ni jeshi. Alors le policier, il a cette autorité. Huyo police anayo mamlaka. Stop. Anasema simama. Arrête. Simama. Normalement, les voitures doivent s'arrêter. Na gari inasimama. On obéit à l'autorité. Wanaheshimu aliyena mamlaka. Nous savons qu'il n'a pas la puissance. Tunajua kama ana nguvu. Mais nous nous arrêtons. Mais si tunasimama. Alors, maintenant, Sasa. C'est, j'ai pas beaucoup de temps là, mais c'est juste pour vous expliquer. Ni kwa kuwaelewesha. Est-ce que nous avons la puissance ou nous avons l'autorité? Je, tuna nguvu ama tuna mamlaka. Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée, c'est pour cela, va. Yesu amesema, kila mamlaka nimepewa ndio maana enda. Cela veut dire, vas-y et utilise cette autorité parce que tu es mon corps et je suis la tête. Inamaanisha uende na utumie mamlaka yale maana wewe ni mwili na mimi ni kichwa. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, faites attention comment vous priez. Fanyeni angalisho, je mnaomba. Il y a des moments où on peut prier. Kuna muda unaweza ukaomba. Il y a des moments où on utilise notre autorité. Na kuna muda wa kutumia mamlaka yako. Comment savoir faire quoi? Namna gani ujue nini utafanya? Écoutez le Saint-Esprit. Musikilizeni Roho Mtakatifu. Mais je pense qu'il y a plus de temps que nous devons utiliser notre autorité. Lakini mara nyingi tutumie njo mamlaka yetu. Et la prière c'est encore autre chose. Maombi ni kitu kingine. Quand vous utilisez votre autorité? Unapotumia mamlaka yako? Est-ce que vous allez faire ça? Oh Dieu, fais quelque chose dans ce pays. Je utambia Mungu, Mungu fanya kitu kwa ajili ya nchi hii. Il y a une place pour ça. Kuna nafasi juu ya hiyo. Oui, comme le pasteur Sembe a dit, si tu t'humilies. Tu t'humilies. Kama jinsi mchungaji Sembe amesema unajinyenyekeza. Si tu cries à Dieu. Wakati unaomba unanyenyekea. Vous voyez, nous devons apprendre à fonctionner avec le Saint-Esprit. Tujifunze kutembea na Roho Mtakatifu. Il y a un moment de se tenir à la brèche. Kuna muda wa kusimama kwa zamu. Et il y a un moment d'exercer notre autorité. Na kuna ngine muda ya kutumia mamlaka. Quand nous utilisons notre autorité, unapotumia mamlaka yako, on ne peut pas dire Dieu fait quelque chose. Hautambia Mungu samani fanya jambo fulani. Tu vois bien le malheur qui m'arrive, oh Seigneur. Ona ole nilionayo e Mungu. Oh Dieu. Mungu, je crie à toi. Ninakulilia. Est-ce que le policier, uyo police, quand il voit le voleur aller sur le mur, anapona mwizi akipanda kwenye kibambazi, est-ce qu'il va prendre son téléphone? Je atachukua simu yake. Et il va appeler le président. Na kuanza kuita raisi. Président. Raisi, ah, oh, y a les voleurs ici. Ninaona mwizi kwenye kibambazi hapo. Fais quelque chose. Fanya jambo. Mais le président dit ça va pas, non? Raisi atasema hauna akili umekuwa shicha. Je t'ai donné l'autorité. Nilikupa mamlaka. Je t'ai donné l'autorité. Nilikupa mamlaka. Que tu fais? Unafanya nini? Réveille-toi. Simama wamke. Et comprends ce que cela veut dire. Elewa hiyo inamaanisha nini? Comment? commence à fonctionner dans ce qui t'appartient. Je anza kutembea katika sehemu zako. Tu as été ressuscité avec Christ. Tumefufuka na Yesu. Tu es assis à la droite du Père. Unakaa kwenye kuume kwa Baba. À la place d'autorité. Pa nafasi ya mamlaka. Mais qu'est-ce que tu attends? Jamani, wachunga nini? Utilise ton autorité. Tumia mamlaka uliopewa. La Bible dit tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Biblia inasema yote utafunga duniani itafungwa mbinguni. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Yote utakayofungua hapa chini mbingu itafunguka. Qu'est-ce qu'il faut lier ici à Goma? Nini utafunga hapa Goma? Cet esprit de guerre dans le nom de Jésus. Roho ya vita kwa jina la Yesu. Dans le nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Je viens contre cela. Ninakuja kupinga hiyo. Vous voyez, c'est pas quelque chose de dire comme ça, c'est ici quand vous savez que vous savez que vous savez que vous avez autorité. Si mambo ya kukiri ni mambo ya ndani wakati unajua kama nina mamlaka. Vous ne serez pas affecté par les choses que vous voyez autour de vous. Vous ne serez pas affecté par les choses que vous voyez autour de vous. Parce que vous savez comment prendre soin de ces choses-là. Alors, un petit truc que je vais vous dire. Commencez chez vous. Commencez avec vous-même. Comment pouvez-vous prendre soin de votre ville si vous ne prenez pas soin de votre quartier? Comment pouvez-vous prendre soin de votre quartier si vous ne prenez pas soin de votre maison? Comment pouvez-vous prendre soin de votre maison si vous ne prenez pas soin de vous-même? Et que vous humiliez pas devant la présence de Dieu? Vivez d'abord pour le Seigneur. Ishi kwanza kwa ajili ya Bwana. Humiliez-vous devant lui. Jinyenyekeze mbele zake. Et il y aura un moment, vous pourrez alors grandir dans votre juridiction d'autorité. Kutakuwa muda ambapo utakoma katika mazingara yako ya mamlaka. Ça commence d'abord ici. Inaanza kwanza humo ndani. C'est pour ça si mon peuple s'humilie. Anasema kama taifa langu litanyenyekea. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous grandissons ainsi dans notre juridiction. Je vois des chrétiens qui ne vivent pas vraiment pour le Seigneur. Mais après, ils vont à l'église. Ouais, merci Jésus, dans le nom de Jésus, esprit au-dessus du Congo, descend. Asante Yesu, asante Yesu, roho shuka juu ya Congo. Vous comprenez? Je mnaelewa. Ajustons-nous. Tujipange sawa sawa. Grandissons dans notre juridiction. Tukomae katika mazingara yetu mamlaka. Qui a des enfants ici? Nani aliye na watoto hapa? Oui. Ça, c'est là où vous pouvez déjà commencer. Umeanza tayari. Vous pouvez continuer d'abord avec vous-même et après vos enfants. Anza mwenyewe kisha juu ya watoto wako. Bon, une fois qu'ils ont grandi, c'est plus la même chose. Na wanapokomaa wanafanya hivyo hivyo. Bien qu'au Congo, parfois c'est la même chose, mais enfin bon. C'est pas grave. Ok, donc, quand ils sont petits encore, hein, instruisez-les. Corrigez-les. Les mamans, dites pas, ah, attends que papa vienne, tu verras, il va te punir. Non, si l'enfant te désobéit, tu prends soin de cela. Si l'enfant obéit au papa, c'est le papa qui doit prendre soin de cela. Si, baba. Il a dit? Non, il n'a pas dit. Hein? Sorry, si pas, il parle anglais. Je parle le français là, oui. Si l'enfant désobéit le papa, c'est le papa qui doit prendre soin de cela. Vous comprenez? Alors, ce que je veux dire, c'est que ça commence à la maison. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, c'est pas que nous devons prendre autorité. Bon, après, la maison, c'est les voisins. Si kwamba utakamata mamlaka kisha nyumba yako unendea kwa alors, majirani. Nuance. Mm-hmm. Tunatia mkato voilà, attention à cela. Vous ne venez pas contre les voisins, mais contre l'esprit qui irrite les voisins pour vous embêter. Wewe hautakuja okay? Kwanza piga jirani lakini utapiga njoo roho iliyo uko kwa kukusumbua. Ou alors les époux L'épouse, n'allez pas contre votre mari, mais contre cet esprit qui essaye d'embêter votre mari. Okay? Mama wa nyumba, usipige bwana yako, lakini piganishe ile roho iliyo ndani mwake. Nous marchons dans l'amour. Tunatembea katika upendo. Et dans la sagesse. Ndani ya hekima. Et parfois il disait, mais mauvais esprit qui essaye d'embêter, c'est tout. Hein? Mais ces mauvais esprits sont sous nos pieds. Roho chafu ziko chini ya miguu yetu. Mais nous devons garder notre position d'autorité. Na tuweke nafasi yetu ya mamlaka. Alors nous grandissons dans notre juridiction. Tunakoma katika mazingara yetu. J'ai habité en Belgique pendant plus de 24 ans. Niliishi Ubelgiji kwa miaka 20 na ile. C'est là où mes 5 fils ont grandi. Ni huko watoto wangu watano wamekoma. Et alors quand nous sommes arrivés dans ce quartier chez les Flamands. Ndani ya kata la Waflama. Une des voisines a dit, oh, cette rue elle est mauvaise. Jirani moja mwanamke akasema njia ni chafu. Ah, tout le monde est méchant dans cette rue, ce voisinage. Watu wote ni wabaya katika hii barabara. Moi j'ai pas accepté ça. Mimi sikukubali hiyo. Petit à petit j'ai commencé à plaider le sang de Jésus sur cette rue. Pole pole nilianza kualika damu ya Yesu kwenye barabara hiyo. J'ai commencé à utiliser mon autorité, à exercer mon autorité. Nilianza kutumia mamlaka yangu. Comment est-ce que j'ai fait ça? Je nilikuwa nikiyafanya. Je marchais. Nilitembe. Merci Seigneur parce que ta présence est dans cette rue. Asante Bwana maana uwepo wako ni katika barabara hii. Merci Seigneur parce que c'est une rue qui est pleine de ta paix et de ton amour. Asante maana ni barabara iliyo na amani na upendo wako. Merci Seigneur parce que les voisins changent. Asante maana majirani wanabadilika. Il y a une ouverture d'esprit. Roho zao zinafunguka. Il y a quelque chose qui change et j'ai commencé à parler cela. Nilianza kukiri na kusema kitu kinabadilika. Ça, c'est prendre mon autorité. Hapo nilishika mamlaka. Prendre l'autorité, c'est pas commencer à crier, taper des mains, tout ça. C'est pas seulement ça. C'est quelque chose ici. Si tu kupiga mikono kulalamika, ni ndani umo. Mais je vous assure, même pas deux ans, la voisine a dit, mais il y a quelque chose qui se passe ici. Les gens ont changé. Uyo jirani alisema, kitu kinapitika hapa, watu wanabadilika. Les gens ont changé. Ils deviennent ouverts avec les voisins. Walianza kujifunua kwa majirani. Amen. Nous grandissons dans notre juridiction. Tunakoma katika mazingara yetu. Si les voisins font la fête tous les vendredis ou les samedis soirs, kama majirani wanafanya karamu kila mwisho wa wiki, et qui vous écoute pas, na awakuziki, vous les bénissez. Anza kuwabariki. Vous dites merci Seigneur. C'est ma santé bwana. Parce que dans le nom de Jésus cette musique, vous dites ce que vous voulez. Unasema asante bwana maana kwa jina la Yesu hii muziki na unasema ile ambayo unataka. Moi c'est ce que je fais là, j'habite là-bas à Kinshasa, hein. Ninabaki Kinshasa. Aïe aïe aïe, ici c'était pas comme avant, parfois ils mettent la musique tellement fort toute la nuit. Walikuwa wakitia muziki mrefu sana. Et alors j'ai pris autorité là-dessus. Nilishika mamlaka kwa ajili ya. Je vous assure que s'ils ont de la musique c'est jusqu'à 10h du soir, après c'est fini. Hapo wanaanza kupiga muziki ni mpaka saa 4 za usiku. Nous devons exercer notre autorité. Tumia mamlaka yako. Tout ce que tu liras sur terre. Yote ambayo utafunga duniani. Qui est-ce qui lit? Nani ana uwezo ya kufunga? C'est écrit tout ce que Jésus lira sur terre. Inaandikwa yote ambayo Yesu atafunga duniani? Non, tout ce que toi. Apana yote ambayo wewe. Jésus quand il a parlé à la tempête, est-ce qu'il a dit oh Dieu s'il te plaît arrête cette tempête? Yesu alipoongea na mpepeo ulikuwa unavuma, aliambia Mungu simamisha mpepeo. Non, Jésus connaissait son autorité. Yesu alitambua mamlaka yake ni gani. Et pourtant il n'était pas encore mort et ressuscité. Ijapokuwa alikuwa bado hajafufuka. Donc faisons comme Jésus. Tufanye kama Yesu. Il y a un moment pour prier. Kuna muda wa kuomba. Il y a un moment pour parler. Na kuna muda wa kuongea. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de loin et jette-toi dans la mer, et si tu ne doutes point en ton cœur, mais crois que ce que tu dis arrive, alors tu le verras s'accomplir. Kama unaambia mlima huu ondoka na ukiamini moyoni mwako kama unaosema itakuwa amina na utaona itatimilika. Oh, gloire à Dieu. Amen. Il a dit tout pouvoir, toute autorité m'a été donnée pour cela, va et exerce. Amesema nimepewa mamlaka yote kwa ajili ya hiyo, chika na uende ukaitumie. C'est le corps qui exerce. Ni mwili unatumia. C'est nous qui devons exercer notre autorité. Ni sisi tutatumia mamlaka yetu. Vous voulez réussir dans votre vie? Mwahitaji kufaulu maishani mwenu? Commencez à exercer. Anzeni kutumia. Utilisez l'autorité qui vous appartient. Oh, vous allez voir que les choses vont commencer à changer. Vous voyez, on a, ou alors on peut dire tout ce que vous acceptez sur terre sera accepté dans les cieux. Ou alors tout ce que vous refusez sur terre sera refusé dans les cieux. Pourquoi sur terre? C'est parce que nous sommes sur terre. C'est nous qui commandons ces choses. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Parfois, nous avons cette habitude d'accepter. Moi, à Kinshasa, il y a des choses que je n'accepte pas dans cette ville. C'est déjà 50 minutes. Ben voilà, ça serait pour une prochaine fois. Alléluia. Amen. Amen. Vous avez été très attentifs. On va se lever. Alors on va prier cette prière ensemble. Vous pouvez prendre votre Bible, Éphésiens chapitre 1. Utashika Biblia yako, Waefeso moja. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde respecte? Moi, je suis soumise à votre pasteur. Pardon? Vous savez, un prédicateur doit toujours arrêter quand les gens veulent encore plus. Comme ça, on va être invité à nouveau. Bon, juste un exemple, vous pouvez vous asseoir un moment. Comme j'aime tellement votre église, j'aime tellement votre ville, j'espère revenir. C'est d'une joie d'être ici parce que je sais que papa vous a prêché aussi. Je sais que vous avez beaucoup aimé mon papa, mais moi j'ai encore aimé mon papa beaucoup plus que vous. S'il y avait une fille préférée, non, je ne vais pas le dire. J'étais peut-être sa fille préférée, mais il ne l'a jamais dit, mais ah, presque. Amen. Amen. Alors, je venais depuis 1998, je venais à Kinshasa. Tangu mwaka wa 1988. Parce que j'ai quitté le Congo en 1980 pour jamais revenir. Pour moi, le Congo, c'était pour papa et maman. C'est papa et maman. Et puis, en 1996, quand j'étais à Bruxelles, cet amour pour le Congo est commencé à rentrer dans mon cœur, ça m'a fait peur. Et j'ai un peu paniqué parce que je dis, ok Seigneur, je ne comprends rien, je dois être ici à Bruxelles pour le reste de ma vie. Et maintenant, le Congo est ici, je dis, c'est pas possible. Et alors en 1998, j'ai commencé à venir. J'allais chez papa. Je prêchais et je chantais chez papa. Et puis c'était un grand honneur pour moi d'être avec mon papa. Et ma maman aussi. Mais au point de vue ministère, j'étais aussi très proche de papa. Et alors, je voyais comment c'était difficile d'aller de la maison de mes parents à l'église. Il y avait trop de voitures. Mais papa, il était bien, mais il s'énervait aussi. Et dans la voiture, il était énervé. Au lieu de prendre 15 minutes pour aller à l'église, ça prenait 2 heures. Et alors je dis, papa, mets un CD, mets la musique, mets une prédication. Ah non, non, je ne veux pas. Parce qu'il dit, je perds mon temps dans ce trafic. Et alors, j'ai commencé à voir le besoin pour que les rues s'agrandissent. ili kwamba barabara zipanuke. Vous savez, c'est comme ça que ça commence. On voit un besoin. Nivo mambo inaanza, unaona kwanza hitaji. Et j'ai commencé à voir le besoin pour que qu'il y ait plus de routes et des grandes routes. Nilianza kuwa na hitaji moyoni pawe mabarabara makubwa na mengi. Et j'ai commencé à en parler au Seigneur. Nilianza kuongea na Mungu. J'ai dit merci Seigneur parce qu'il y a des routes dans cette ville. Asante kwa sababu pana mabarabara makubwa katika mji. Je ne sais pas comment, mais Seigneur, je prie pour la personne en charge de ces routes. Je te demande de lui donner des idées, de lui donner la sagesse, afin que ça soit plus facile pour papa et pour le peuple. Ça c'est juste un détail, d'accord? Mais c'est un exemple. Et alors, je venais en 98, en l'an 2000, 2001, 2002. Nilifika kwa mwaka wa 1998 na kwa mwaka wa 2000 hadi 2002. La Bible dit dans Hébreu, tenez ferme dans la confession de votre foi. Waibrania nasema ushike sana katika unapokiri imani yako. La confession de ma foi c'est pas seulement oh oui, je crois en Jésus-Christ, c'est quand je parle, je crois que je reçois. Kukiri imani sio tu kusema namwamini Yesu, ni wakati unakiri mambo na unasema naamini kama nilifanya. Si quelqu'un dit à cette montagne au toit de l'eau et croit dans son cœur. Kama mtu anambia mulima ondoka na anaamini moyoni mwake. Crois dans son cœur ce qu'il dit arrive et ne doute pas en son cœur, il le verra s'accomplir. Unaamini moyoni mwako kwamba unayosema itatimilika, utaona ikifanyika. Nous devons croire en nos paroles. Tuamini maneno yetu. C'est pour cela que nous devons faire attention ce que nous disons. Ndio maana tufanye angalisho na mambo tunayosema. Mettez un garde sur votre bouche. Weka kitu kwenye kinywa chako. Faites attention ce que vous dites. Fanya angalisho kwa yale unayosema. Parce que vous voulez que quand vous dites quelque chose, ça arrive. Mane nabidi unapoongea kitimilike. Amen. Amen. Alors, j'ai commencé à dire merci Jésus parce que les routes s'agrandissent. Nilianza kushukuru Mungu sababu balabala zinapanuka. Parce que je voyais comment papa s'énervait. Nilikuwa nikiona jinsi baba alikuwa akisirika. Les routes devaient être plus grandes parce qu'il y a beaucoup de voitures. Inabidi balabala ziwe kubwa maana magari yamekuwa mengi. Alors un jour je me rappelle plus de l'année, mais quand je retournais à Bruxelles dans l'avion. Siku moja nilikuwa nikikwenda nikitoka Bruxelles katika ndege. J'étais assise à côté d'un monsieur. Nilikaa pembeni ya ndugu moja. Un grand monsieur avec des cheveux gris. Alikuwa na nywele nyeupe. Et puis on a un peu parlé. Et alors, je ne comprenais pas ce qu'il faisait ici à Kinshasa parce qu'il était de l'Amérique du Sud. Et alors, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites à Kinshasa? La Banque mondiale m'a envoyé à Kinshasa pour les routes qu'elles s'agrandissent dans la ville de Kinshasa. Je vous assure! Uyo mtu akanyambia Bank Mondiale amenituma Kinshasa ili kwamba tujenge barabara zipanuke. Amen. Amen. Alors j'étais wow, c'est vrai? Nilisema ah ni kweli. Vous savez que j'ai prié pour vous? Unajua kama nilikuwa nikiwaombea. Vous savez quand vous voyez ça, il faut dire. Kama unaona mambo kama yale inabidi useme. J'ai prié pour vous, c'est Dieu qui vous a envoyé là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les routes ont commencé à grandir, vous avez vu partout. Barabara zilianza kupanuka. De chez papa maman Delvaux, ouh, ça a grandi. Kuanzia hapo kunyumba ya baba yangu zilipanuka kweli. Avant c'était deux voies, maintenant c'est quatre voies. Mbele ilikuwa njia mbili, leo ni nne. Le 30 juin, c'est la même chose. Na huko boulevard des 30 juin ivo. C'était quatre voies avant. C'était quatre voies, maintenant il y en a six. Zamani ilikuwa njia nne, leo inakuwa njia sita. Ça commençait à grandir. Iko inapanuka. Mais il faut pas arrêter là. Ah, tu t'es choqué à peau. Vous savez, là-bas, il y avait des coupures d'électricité. Kulikuwa problème ya umeme, shida ya umeme. Et il y a ce petit monsieur qui a travaillé chez papa et maman pendant déjà 32 ans, plus de 32 ans. Kuna mtu ambaye alitumika na baba kwa miaka 32 zaidi. Il s'appelle Mwanza. Jina yake Mwanza. Et Mwanza, quand je suis arrivée, dit, ah madame, il n'y a pas l'électricité aujourd'hui. Huyu Mwanza alikuwa anasema ninapofika hakuna umeme. Ah madame, il n'y a pas d'eau. Akuna ah madame, il n'y a pas d'électricité. Akuna umeme. Je dis ok, attends. Nilisema, ebu subiri, maintenant subiri. On va changer ça. Nabidi tubadilishe yale. Il est sauvé, mais il fallait que je lui enseigne. Ameokoka, nabidi nilimufundishe. Je dis maintenant tu ne vas plus dire ça, je ne veux plus entendre ça. Nilimwambia, sitaki kusikia tena yale. Si tu ne peux pas mettre ta foi en action, reste neutre. Kama upendi kutumia imani yako, bakia bila sikuwe baridi wala moto. Je dis maintenant, dans le nom de Jésus, sasa kwa jina nous la avons l'électricité dans cette rue. Tuna umeme katika kata ili. J'ai pas besoin de savoir comment Dieu va faire ça. Sitaji kujua namna gani itafanyika. Mais voilà ce que j'ai commencé à parler. Lakini tizama yale naanza kuongelea. J'ai dit dans le nom de Jésus. Nasema kwa jina la Yesu. Je crois que cette rue a toujours l'électricité. Naamini kwamba njia hii inakuwa na umeme. Je refuse. Nakata. D'être en manque d'électricité. Kukosa umeme. Vous voyez, nous avons ce que nous avons permis. Tuna yale ambayo. Nous avons ce que nous avons permis. Tuna ile ambayo tuliruhusu iwe. Si tu as permis le manque, kama uliruhusu kukosewa, tu as le manque. Na utakosa kweli. Si tu as permis le manque d'électricité, kama uliruhusu ukose umeme, tu as le manque d'électricité. Na utakosa umeme. C'est pour ça que la Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ndio maana Biblia inasema ifanyike kwako sawa sawa na imani yako. Si ça ne t'embête pas, c'est pas grave. Kama bikusumbue, hakuna shida baki hivyo. Vous comprenez? Naelewa. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Aimanisha una imani. Mais tu peux exercer ton autorité. Unaweza kutumia mamlaka yako. Alors j'ai commencé à dire dans le nom de Jésus. Inaanza sema kwa jina la Yesu. Nous avons l'électricité dans cette rue. Tuna umeme katika hii njia. Est-ce que c'était là? Umeme ilikuwa. Je ne le voyais pas, je ne le sentais pas, mais je le croyais dans mon cœur. Nilikuwa sioni na kuisikia, lakini niliamini moyoni. Et je persévérais dans ce que je disais. Nilidumu katika yale nilisema. Parce qu'il faut persévérer. Inabidi kudumu. Il faut tenir ferme. Shika sana. Dans la confession de notre foi. Katika kukiri imani yetu. Alors je le faisais jour après jour. Niliyafanya siku kwa siku. C'est-à-dire, je refusais cette situation. C'est quelque chose d'intérieur. Ce n'est pas que je criais à tue-tête. Dans le nom de Jésus, nous avons l'électricité. Ce n'était pas comme ça. Hein. C'est quelque chose d'intérieur. Mais je le disais de ma bouche. Et puis alors, un matin, Mwanza dit, ah madame, il n'y a pas l'électricité. Il dit, pardon. Uyo Mwanza tena akasema, mama, hakuna umeme. Akasema, ah, samani. Je dis, je déclare que nous avons l'électricité tous les jours. Nikasema, ninakiri kwamba tuna umeme kila siku hapa. Et tout à coup, l'électricité est venue. Na mara moja umeme kakuja. Il a dit, ah, vous avez prophétisé. Akasema, eh, umetabiri. Je dis, non, je mets ma foi en action. Nikamwambia, nimetumia imani yangu. Ce que tu permets sur la terre sera permis dans les cieux. Yale unaruhusu duniani, itaruhusiwa mbinguni. Alors, vous voyez, la Bible dit que nous allons de foi en foi. Nous allons de foi en foi. Biblia nasema, tunakwenda imani juu ya imani. C'est pour cela que nous allons de gloire en gloire. Ndio maana tunakwenda utukufu juu ya utukufu. Parce que nous allons de foi en foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tunakwenda imani juu ya imani tukipanda. Un projet de foi à un autre projet de foi. Muradi wa imani unaleta mwingine muradi wa imani. Est-ce que tu as un projet de foi? Je, unakuwa na muradi wa imani. Trouve-en un. Tafuta muradi fulani pourquoi? Wa imani. Kwa nini? Afin que Dieu soit glorifié. Ili kwamba Mungu atukuzwe. C'est parce que ça glorifie Dieu. Ni kwa sababu inatukuza Mungu. Qu'est-ce que tu as besoin? Nini unahitaji? Mets ta foi en action. Tumia imani yako. Parfois tu peux demander. Unaweza kuuliza, kuomba. Parfois tu peux déclarer. Muda fulani utakiri. C'est le Saint-Esprit qui va te montrer. Ni Roho atakuelekeza. Vous comprenez ce que je veux dire? Unaelewa nini natamani kusema? Parfois on peut prier. Kuna muda wa kuomba. Et il y a différentes sortes de prières, d'accord? Na kuna aina mbalimbali ya maombi. Il ne faut pas tout mélanger. Usichange change. Mais ça, c'est un autre sujet. Iyo ni mambo ingine. Maintenant, nous parlons de prendre notre place d'autorité. Tunaongelea kuhusu kushika nafasi yako mamlaka. Alors, priez cette prière d'Ephésiens 1 tous les jours. Tunapoomba kama vile wa Efeso moja kila siku. Priez pour votre gouvernement. Ombeeni government yenu. Afin que tout ce que vous faites vous réussisse. Ili kwamba yote mnafanya ifaulu. Afin que vous compreniez l'autorité que vous avez. Ili kwamba muelewe mamlaka mlionayo. Si on est méchant avec vous à votre travail. Kama kazini mwako wanakuwa wakali na wewe. Prenez autorité là-dessus. Kamata mamlaka. Bénissez les gens autour de vous. Bariki watu kando yako. Semez l'amour. Panda upendo. Donnez. Pana. Et vous allez voir ce que vous allez récolter. Na utona yale utavuna. Ça c'est prendre son autorité. Iyo ni kutumia mamlaka. Et vous dites merci Seigneur parce qu'aujourd'hui c'est un jour merveilleux dans mon travail. Unasema Bwana asante maana leo ni siku njema kwa ajili ya kazi yangu. La joie remplit le bureau là où je travaille. Furaha itajaa mahali pote kwenye makao. La paix de Dieu règne ici parce que je le déclare. Amani ya Bwana itakaa maana nayakiri. Je refuse toute confusion. Nakataa kuchanganyikiwa changanyikiwa. Et on continue et on continue. Na unazidi zaidi na zaidi. Alors on va se lever. Jamani tutasimama. Et on va prier. Na tutaomba Mungu. Ephésiens. Wa Efeso. Prenez Ephésiens au chapitre 1. Wa Efeso moja. Alors ensemble, comme j'ai vu que vous faites ça très bien. Pamoja. Alors on va faire le verset 17. Hein? Tout alors, somme, moi quand je prie, je dis Seigneur, Père Céleste, je viens à toi dans le nom de Jésus. Alors on va, ensemble on va dire ça. Père Céleste, je viens à toi. Allez-y. Père Céleste, je viens à toi dans le nom de Jésus. Et je te demande que le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ, allez-y, et je te demande que le Seigneur Jésus, le Père, excusez-moi, le Père de gloire, me donne un esprit de sagesse. Et de révélation. Dans ta connaissance. Amen. Et que tu illumines les yeux de mon cœur. Pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel et quelle est la richesse de ta gloire que tu, attends, excusez-moi, de ton héritage que tu réserves à moi et qu'elle est envers moi qui crois l'infinie grandeur de ta puissance. Se manifestant avec efficacité par la vertu de ta force. Alléluia, amen. Merci Seigneur. À santé, bonne.